السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى a dit dans son noble livre: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et il a dit Jalla wa ala, Inna dina indallahi l'islam. Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Et il a dit Subhana, Ya ayyuhannas, inni rasulullahi ilaykum jami'a, alladhi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa hu, yuhyi wa yumit, fa'aminu billahi wa rasulih. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Dis, ô vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de vrai Dieu à part lui, il donne la vie et la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et il a dit, Tabaraka wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. La religion de l'islam est donc la seule religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec celle-ci qu'il envoya son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour l'univers. C'est la plus grande, la plus complète et la plus parfaite des religions. Et certes, l'islam comporte énormément de vertus, de mérites et de bienfaits, tellement nombreux qu'il serait impossible de les dénombrer. Dans ce cours, j'ai donc choisi de lire et de traduire un épître bénéfique sur les vertus et les mérites de l'islam, écrit par le noble shir Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, intitulé Les perles résumées sur les vertus ou les mérites de la religion de l'islam. Et ce, afin de se rappeler de cet énorme bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé en nous guidant à l'islam, afin d'augmenter et raffermir notre foi, mais également dans le but de faire découvrir cette noble religion aux non-musulmans, et ce, en leur faisant découvrir les grands mérites et la perfection de cette grande religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous accorde la réussite et nous guide vers tout ce qu'il aime et qu'il agrée. Donc l'auteur, Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, a dit, après avoir mentionné khutbat al-Hajja, « Amma ba'd, fa inna din al-Islam, alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, akmalu al-adyan, wa afdaluha, wa a'laha, wa ajalluha, وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان وأجل شاهد لله بالتفرد والكمال المطلق كله ولنبيه بالرسالة والصدق. Il a dit rahimahullah, certes, la religion de l'islam avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la plus complète, la meilleure, la plus élevée et la plus noble des religions. Et elle comporte des vertus, de la perfection, de la droiture, de la miséricorde, de la justice et de la sagesse, qui tous attestent de la perfection totale d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'étendue de sa science et de sa sagesse. Et tout ceci atteste également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est réellement le messager d'Allah, le véridique qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Cette religion de l'islam est donc la plus grande preuve et le plus apparent des signes prouvant l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et sa perfection totale. Et c'est également la plus grande preuve du message et de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, وعرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال فضلا عن التفصيل في المقال ولكن ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته ومعظمه فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. Et donc il a dit, rahimahullah, et mon objectif dans ces annotations est de dévoiler ce qu'a atteint ma connaissance comme explication des fondements des vertus de cette sublime religion. Et ce, même si ma science et ma connaissance ne suffiraient même pas à dévoiler certains aspects de ce que comporte cette religion, comme beauté, comme perfection et comme grandeur. Et même si mes paroles ne sauraient expliquer, ne serait-ce que de manière générale, sans même parler de détailler ces points. Cependant, ce qui ne peut pas être atteint dans sa totalité, et qu'il n'est pas possible d'obtenir complètement, eh bien, il ne convient pas à la personne de délaisser ce qu'elle connaît à cause de ce qu'elle ne connaît pas. Car certes, Allah n'impose pas à une âme plus que sa capacité. Fattaqullaha mastata'tum. Et craignez Allah autant que vous pouvez. وَذَلِكَ أَنَّ فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْعِلْمِ فَوَائِدَ مُتَعَدِّدَ. Et ce, car la connaissance de cette science comporte de nombreux bénéfices. منها أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف الموضوعات وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة. Et parmi ceux-ci, donc parmi ces bénéfices, le fait que s'occuper par ce sujet, qui est le plus noble et le plus grand des sujets, fait partie des meilleures œuvres pieuses. فمعرفته والبحث عنه والتفكر فيه وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. En effet, sa connaissance, le fait de le rechercher, de méditer sur celui-ci et d'emprunter chaque voie menant à sa connaissance, est la meilleure des choses par laquelle le serviteur peut occuper sa personne, et le temps qu'elle dépense dans ceci sera pour elle et non contre elle. ومنها أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله وهو من أكبر الأعمال الصالحة. Parmi les bénéfices de cette science également, le fait que la connaissance des bienfaits et le fait de les mentionner a été ordonné par Allah et son messager. Et ceci fait partie des plus grandes œuvres pieuses. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْبَحْثَ فِي هَذَا اِعْتِرَافٌ وَتَحَدُّثٌ وَتَفَكُّرٌ فِي أَجَلِّ نِعَمِهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِي وَهُوَ الدِّينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سِوَاهُ فَيَكُونُ هَذَا التَّحَدُّثُ شُكْرًا لِلَّهِ. Et certes, il ne faut aucun doute que la recherche sur ce sujet est une reconnaissance, une mention et une méditation sur le plus grand de ses bienfaits sur ses serviteurs, subhana, et qui est la religion de l'islam, qui est la seule religion agréée par Allah. Parler de ceci est donc un remerciement d'Allah et une cause pour obtenir encore plus de ce bienfait. ومنها أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكمال تفاوتا عظيما. Et parmi les bénéfices également, le fait que les gens ont différents degrés dans la foi et sa perfection, et il y a d'énormes différences entre eux sur cela. وكلما كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقينا فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده. Et donc, plus le serviteur connaîtra cette religion, plus il l'honorera et la respectera, plus il sera heureux et joyeux de celle-ci, et plus sa foi sera complète, et plus sa certitude se perfectionnera. Et ce, car c'est une preuve pour l'ensemble des fondements de la foi et de ses bases. ومنها أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. Parmi les bénéfices de cette science également, le fait que parmi les plus grands prêches et appels à la religion de l'islam, le fait d'expliquer ce qu'elle comporte comme vertu et bienfait, qui seront acceptés par tout doué de raison et de nature saine. فَلَوْ تَصَدَّ لِلدَّعْوَةِ إِلَى هَذَا الدِّينِ رِجَالٌ يَشْرَحُونَ حَقَائِقَ وَيُبَيِّنُونَ لِلْخَلْقِ مَصَالِحَ لَكَانَ ذَلِكَ كَافِيًا كِفَايَةً تَامَّةً فِي جَذْبِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ مُوَافَقَتِهِ لِلْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَلِلصَّالِحِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى التَّعَرُّضِ لِدَفْعِ شُبَهِ الْمُعَارِضِينَ وَالطَّعْنِ فِي أَدْيَانِ الْمُخَالِفِينَ. En effet, si ceux qui se mettent en avant dans l'appel à cette religion étaient des hommes qui expliquent ces réalités, qui éclaircissent aux créatures ses bienfaits et ses bénéfices, alors ceci suffirait amplement pour attirer les gens vers celle-ci. Et ce, car ils verront qu'elle est en accord avec les intérêts religieux et mondains, et avec les intérêts intérieurs et extérieurs. Et ceci sans même avoir besoin de répondre aux ambiguïtés des opposants, ni de critiquer les religions des contradicteurs. فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه لأنه حق مقرون بالبيان الواضح والبراهين الموصلة إلى اليقين. Et ce, car en elle-même, elle repousse toute ambiguïté qui s'oppose à elle, car c'est la vérité accompagnée de preuves explicites et de signes menant à la certitude. فَإِذَا كُشِفَ عَنْ بَعْضِ حَقَائِقِ هَذَا الدِّينِ صَارَ أَكْبَرَ دَاعٍ إِلَى قَبُولِهِ وَرُجْحَانِهِ عَلَى غَيْرِهِ. Ainsi, si certaines des réalités de cette religion sont dévoilées, alors cela sera une des plus grandes causes de son acceptation et de son choix par rapport aux autres. وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَاسِنَ الدِّينَ الْإِسْلَامِ عَامَةٌ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ وَدَلَائِلِ وفي أصوله وفروعه وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع. Et sache que les vertus de la religion de l'islam englobent l'ensemble des sujets et des preuves, dans ses fondements et ses branches, et également dans ce qu'elle indique comme science de la législation et des jugements religieux, mais également dans les sciences universelles et d'union. وليس المقصود هنا استيعاب ذلك وتتبعه فإنه يستدعي بسطا كثيرا وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على سواها وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروع والعبادات والمعاملات. L'objectif ici n'est pas de tout mentionner et de tout rechercher, car ceci demanderait d'énormément détailler. L'objectif est donc seulement de mentionner des exemples bénéfiques qui serviront de preuve pour le reste également, et qui ouvriront la porte à celui souhaitant y entrer. Et ce sont des exemples répandus dans les fondements, les branches, les adorations et les transactions. فَنَقُولُ مُسْتَعِينِينَ بِاللَّهِ راجين منه أن يهدينا ويعلمنا ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا. Nous disons donc, en recherchant l'aide d'Allah et en espérant qu'il nous guide, nous enseigne et nous ouvre les portes de sa grâce et de sa clémence, dans ce qui réformera nos situations et nous accordera la droiture dans nos paroles et nos actes. Donc ici, le Cheikh, rahimahullah, après avoir mentionné certains bénéfices de la connaissance et de l'étude de cette science, ainsi que de la méditation sur les vertus et les mérites de la religion de l'islam, il va à présent mentionner des exemples prouvant et démontrant les vertus et les mérites de cette noble religion. Donc il a dit, rahimahullah, Al-mithal al-awwal, دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى. Le premier exemple est que la religion de l'islam est basée sur les fondements de la foi qui sont mentionnés dans sa parole تعالى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa et Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِهَا هِيَ الْأُصُولُ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ. Ces immenses fondements qu'Allah a ordonnés à ses serviteurs sont donc les fondements sur lesquels les prophètes et les messagers sont unanimes. وَهِيَ مُحْتَوِيَ عَلَى أَجَلِّ الْمَعَارِفِ وَالْإِعْتِقَادَاتِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكُلِّ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِي وَعَلَى بَذْلِ الْجُهْدِ فِي سُلُوكِ مَرْضَاتِهِ. Et il comporte les plus grandes connaissances et croyances, comme la foi en tout ce par quoi Allah s'est décrit par l'intermédiaire de ses messagers, et également le fait de faire des efforts pour obtenir son agrément. فَدِينٌ أَصْلُهُ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَثَمَرَتُهُ السَّعْيُ فِي كُلِّ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَإِخْلَاصُ ذَلِكَ لِلَّهِ هَلْ يُتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ دِينٌ أَحْسَنَ مِنْهُ وَأَجَلَّ وَأَفْضَلْ. Et donc, une religion dont la base est la foi en Allah et dont les fruits sont le fait d'accourir vers tout ce qu'il aime et qu'il agrée, tout ceci sincèrement pour Allah, est-ce imaginable qu'il y ait une religion meilleure, plus noble et mieux que celle-ci? وَدِينٌ أَمَرَ بِالْإِيمَانِ بِكُلِّ مَا أُوتِيَهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالتَّصْدِيقِ بِرِسَالَتِهِمْ وَالْإِعْتِرَافِ بِالْحَقِّ الَّذِي جَاءُوا بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ وَعَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ رُسُلُ اللَّهِ الصَّادِقُونَ وَأُمَنَاؤُهُ الْمُخْلِصُونَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَيَّ اعْتِرَاضٍ وَقَطْحٍ. Et une religion qui ordonne la foi en tout ce qui a été donné aux prophètes et le fait de croire en leur message et de reconnaître la vérité avec laquelle ils sont venant de leur Seigneur. Et ce, sans faire de distinction entre eux, ils sont tous les messagers d'Allah, les véridiques, dignes de confiance et sincères. Et ainsi, une telle religion, il est impossible de s'opposer à elle et de la dénigrer. فهو يأمر بكل حق ويعترف بكل صدق ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله. Et elle ordonne toute vérité et reconnaît toute véracité, et ce, tout en affirmant les réalités religieuses s'appuyant sur la révélation d'Allah. ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة ولا يرد حقا بوجه من الوجوه ولا يصدق بكذب ولا يروج عليه الباطل فهو مهيمن على سائر الأديان. Et elle suit également les réalités rationnelles bénéfiques de la nature saine et ne rejette aucune vérité. Elle ne déclare véridique aucun mensonge et ne propage pas le faux, et elle prévaut donc sur l'ensemble des religions. يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير. Cette religion ordonne les bonnes œuvres, les nobles comportements et les intérêts des serviteurs, et elle encourage à la justice, au mérite, à la miséricorde et au bien. ويزجر عن الظلم والبغي ومساوي الأخلاق. Elle réprimande l'injustice, la transgression et les mauvais comportements. Ma min khislati kamalin qarraraha al-anbiya wal-mursalun illa wa qarraraha wa athbataha wa ma min maslahatin diniyatin wa dunyawiyya da'at ilayha al-shara'i' illa hatha 'alayha wa la mafsadata illa naha 'anha wa amara bi mujanabatiha. Il n'y a pas une seule caractéristique de perfection établie par les prophètes et les messagers sans qu'elle ne l'affirme et ne l'établisse également. Et il n'y a pas un intérêt religieux ou mondain auquel les législations sont appelées sans qu'elles n'y encouragent. Il n'y a pas non plus un seul méfait sans qu'elles ne l'interdisent et ordonnent de s'en écarter. والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب وتصلح الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. Et donc, ce qui est voulu par ce qui vient d'être mentionné, et que les croyances de cette religion sont celles par lesquelles les cœurs se purifient, par lesquelles les âmes se réforment, et par lesquelles les nobles comportements et les bonnes œuvres s'enracinent. Voici donc le premier exemple de la perfection de la religion de l'islam et de ses mérites mentionnés par l'auteur, rahimahullah, et il est lié à la croyance islamique. Et nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et dans les cours suivants, nous continuerons à traduire, bi'iznillah, les autres exemples qu'il a mentionnés, rahimahullah, et qui concernent de nombreux autres aspects de cette noble religion. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous facilite et nous accorde la réussite. Hada, والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.